Le propos, c'est à la fin de l'école communale pour moi. Je devais avoir 11 ans. C'est avant le suicide de l'oncle. En tout cas, bon, les choses sont simples. Popo est arrivé à l'école, à la rentrée peut-être. Popo est arrivé, il s'est présenté. Il s'est approché, il avait une gueule, une petite tête, une toute petite tête. Il était assez bien balancé. Il roulait un peu des épaules comme ça. Il n'avait pas de carton, pas de musette, rien du tout. Il s'est approché de nous. Oh, c'était une école communale, il y en avait du monde, mais il s'est approché de ceux qui avaient à peu près le même âge que lui. Et puis, il nous a regardés. Alors, en pareil cas, qu'est-ce qu'on fait? On regarde celui qui vous regarde. Alors là-dedans, il y avait Curotti, il y avait Pintet, il y avait toute l'équipe, Duclin. Et il vient vers nous et il dit, vous êtes dans quelle classe? Alors bah, c'était fait, on était dans la classe, on devait passer le certificat, quoi. Alors il vient, il s'approche encore plus de nous, puis il dit, moi aussi, je rentre là pour passer le certif, et puis après, ça y est, je me tire en usine. Alors, on le regarde. Il n'en imposait pas, mais jamais aucun d'entre nous ne serait approché d'un groupe en faisant comme ça. Il avait les mains dans les poches de son pantalon. Puis à un moment donné, il a dit, et puis je m'appelle Popo. Faut pas se foutre de mon nom, hein. Et puis il a sorti à ce moment-là ses mains des poches, puis il a dit, puis voilà mes mains. Alors, on était 4 ou 5 là. Ah ben dis donc, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas rigoler. On n'avait jamais vu ça. Popo, il n'avait pas de doigts. C'était tout coupé à rang de là où commencent les doigts. À la racine des doigts, ben, ça s'arrêtait. Ça s'arrêtait, puis c'était comme soudé, ça faisait une saucisse. C'était rose, c'était rose-rouge même. Mais c'était pas un accident. Il n'y avait pas de pouce, il n'y avait rien. Comment il allait faire pour passer son certif? D'où il sortait celui-là? En plus, il s'appelait Popo. On n'y a pas parlé. On n'y a pas dit, bah oui, bien non, viens avec nous, rien. On a attendu qu'il rentre ses mains dans ses poches. Il nous a arrangés parce qu'il a fait demi-tour. Il est parti dans le bout de la cour. Et là, il est resté tout seul, appuyé à un mur. Il nous regardait de loin. C'est sûr que s'il avait voulu faire son effet, là, il avait réussi, hein. Alors, bah, au sifflet, on s'est tous mis en rang. Alors lui aussi, il est venu. Et puis, c'était un directeur qu'il y avait. Alors il est venu vers notre classe. Et il a dit à l'instituteur et puis à nous tous, il y a un nouveau parmi vous. Il s'appelle Popo. Alors nous, on était les seuls à le savoir. Les autres, ils commençaient à rigoler, là. Et il faut être très gentil avec lui, comme avec tous les petits camarades qui viennent nous rejoindre ici. Il nous fait un grand honneur que de s'être inscrit à notre école. Bah, mon Dieu. Alors, nous, les quatre qui savions, qui avions vu ça, seulement, bah, Popo, il avait rien. J'ai dit, il n'avait pas de cartable, il n'avait rien. Alors l'instit, il s'est approché, lui a dit, c'est toi, Popo? Oui, monsieur. La première des choses qu'il lui a dit, ça a été, sors tes mains de tes poches. Parce qu'on nous avait tous appris à ne pas mettre les mains dans les poches. J'ai eu honte pour l'instituteur. Il était gentil, il s'appelait Lassalle. J'ai eu honte pour lui, je me suis dit, il ne sait pas, on aurait dû le prévenir. Monsieur, il y en a un nouveau, il s'appelle Popo, il n'a pas de main. Il ne le savait pas. Et puis le directeur, il aurait dû le prévenir. Alors on a bien vu qu'il était gêné. Il n'osait pas lui dire « remets tes mains dans tes poches » puisque il avait vu qu'il n'avait pas de main. Dans le fond, les mains, c'est les doigts. Les mains, c'est pas la paume et le dessus de la main. C'est les doigts, une main. Pour nous, en tout cas. Aujourd'hui, bon, ben, je suis bien d'accord pour dire que c'est quand même une main. Malgré tout, une main. Alors voilà qu'on monte, à propos, les mains dans les poches. Alors comme on l'avait vu un peu avant, on lui fait une petite grimace, quoi, mais ça veut dire viens avec nous ou viens. Alors il se rapproche un petit peu. Et puis il nous dit, oh, faut pas vous faire chier les mecs, hein. Alors, on répond pas. Alors il dit, c'est pas parce que j'ai toujours les mains dans les poches, faut pas que ça vous emmerde, hein. Moi, je peux vous dire tout de suite, je suis né comme ça. Ah oui, ben, ça ouvrait la discussion de la récréation, ça c'était sûr. Mais pour le moment, alors on est rentré dans la classe, et puis, ben, Popo, il a attendu qu'on lui dise « mets-toi là » ou « mets-toi là ». Alors l'instit, Il a senti, il a compris que c'était mieux de le mettre à côté de quelqu'un, quoi, que de le mettre dans le fond de la classe, là-bas. Il risquait d'être tout seul, tout ça. Alors il a dit, poussez-vous un peu, là, puis toi, tu te mets là-bas, puis toi, ici, puis Popo, viens te mettre là. Alors Popo, il s'est mis là. Mais il s'asseyait et tout, les mains dans les poches. Alors, on a bien vu que l'instituteur, il était emmerdé. Ordinairement, quand on arrivait, il disait... Bon, sortez vos cahiers. Là, il n'a pas pu dire sortez vos cahiers. L'autre, il pouvait rien sortir avec les. C'était deux moignons, c'est sûr. C'était deux moignons. Et puis, il disait aussi sortez vos porte-plumes, tout ça. Lui, il n'en avait pas. Apparemment, il n'avait pas ça, sauf s'il les a vus dans ses poches. Mais s'il les a vus dans ses poches, comment il aurait fait pour les saisir? Il ne pouvait rien saisir. Enfin, moi, j'étais sûr de ça. Et puis, les 3-4 copains, sûrs aussi. Alors, il n'a rien dit. Alors, au bout d'un petit moment, il y en a un qui a dit « Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur ?» C'était le prof qui se faisait chier. Alors, Popo, il s'est levé. Alors, Popo, il était pas arrogant, Popo, mais il portait ses mains rongées ou ses mains absentes. Ça, il les portait. Il n'en avait pas la trouille. Au point qu'il était venu vers nous, il avait dit « Voilà, je m'appelle Popo et... » Il avait sorti ses mains de ses poches. Il avait bien visé en faisant comme ça. On était non seulement prévenus, mais on était dans le bain. Il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de « t'as vu ?» Là, c'était obligatoirement « t'as vu ?» Alors il s'est levé, puis il a dit « Monsieur, vous avez vu mes mains ?» Alors l'autre, il répondait pas, il était là-haut sur son estrade, là. Il était grand et des lunettes, d'un gentil type. Ah, il s'était tapé que des numéros dans sa vie, sûr. Ah, c'était pas un quartier facile. Mais là, c'était pas une question de facilité. On aurait dû le prévenir, ça. Mais je sais pas ce qu'il aurait fait à ce moment-là. Il l'aurait pris en un petit peu à part, quoi. Et il lui aurait peut-être demandé comment fais-tu pour écrire, est-ce que tu sais écrire, qu'est-ce que... Là, il y avait tout à découvrir avec nous. Alors il a remis ses mains dans ses poches et puis il a dit à monsieur Lassalle, faut pas vous gêner pour moi, monsieur. Je connais. Ah, d'une certaine façon, Popo, il jouait bien. Il jouait bien. Et nous, on regardait, là, les 3 ou 4 qu'on avait été ensemble quand Popo était arrivé, on était d'accord. On disait, c'est bien comme il fait là, ça va. C'est bien, quoi. Si on avait parlé, on aurait tous été d'accord. Alors, il restait plus grand-chose au maître. Hein. Le maître, il a dit, ben voilà, aujourd'hui, je vais faire lecture. Et vous me direz après. Alors, voilà, je ne sais plus quoi, comment... qu'est-ce que vous croyez? Il s'était arrêté ici, il avait laissé une énigme se poser, il ne nous avait pas dit ce qu'il y avait, on devait deviner, enfin bon. Mais au fond, il avait fait ça pour amuser la classe, enfin, pas pour distraire la classe. Mais pour un peu étourdir la classe. Et quand il a eu fini, il a dit, je ne vous demande pas de travailler chez vous, de faire comme une composition. Non, je vous demande pas ça. Je vous demande ceux qui veulent, ceux qui sentent qu'ils ont quelque chose à dire, eh bien, de se lever, là, de lever la main, et puis, moi, je leur dirais, les uns derrière les autres, de venir, ou bien de leur place, ou bien même d'ici, de l'estrade, à ma place, de nous raconter un morceau de l'histoire que je viens de raconter, ou, s'ils le veulent, l'ensemble de l'histoire. Alors, détendez-vous et dites-moi ensuite qui veut venir ici. Personne. Personne. Naturellement, c'est Popo qui a dit « Moi, monsieur ». Ah, il lui a dit « Bah, justement, tiens, tu viens là. On a bien remarqué qu'il n'y a pas dit « Sors tes mains de tes poches ». Alors, Popo, il s'est mis là. Et puis, bah, il a raconté une histoire qui n'était pas celle que venait de nous dire l'instituteur, qui était une histoire à Popo. Il n'y avait pas tellement de questions de mains, mais enfin... Et de temps en temps, il sortait ses mains de ses poches et il agitait ses bras. Ce qui fait qu'au début, c'était le silence, et puis petit à petit, c'est devenu un peu rigolo. Puis on sentait qu'il était tendu. Et moi, j'avais honte pour lui. J'avais pas honte qu'il soit estinqué comme ça. Mais j'avais honte parce que les autres qui rigolaient, ils rigolaient parce qu'il agitait ses mains. Et lui, il le faisait exprès d'agiter ses moignons. Alors, c'est l'instituteur qui l'a arrêté, qui lui a dit « C'est très, très bien. » Il n'était pas du tout arrivé au bout. C'est très très bien, maintenant je vais demander à un autre de tes petits camarades de continuer l'histoire là où tu viens de la lâcher. Alors je ne sais absolument pas qu'est-ce qui a pu me prendre, mais moi je me suis levé, j'ai dit moi monsieur. Ah j'aurais mieux fait de me taire. Hein. Alors il m'a dit tu restes à ta place ou tu montes ici à l'estrade. Alors j'ai préféré rester à ma place. Et de ma place j'ai raconté une autre histoire que celle de l'instit et que celle de Popo. Je me suis mis à raconter l'histoire d'un petit garçon qui n'avait pas de main. Très malin. Et au fur et à mesure que j'avançais là-dedans, je rougissais. L'instituteur me faisait des signes. À un moment donné, en plein milieu d'une phrase, il m'a dit « Bon, très bien, maintenant, qui est-ce qui voudrait prendre la suite de l'histoire de notre petit Fred II ?» Personne ne voulait la prendre, tout le monde était comme suffoqué. Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce que j'avais à dire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et c'est Popo qui a dit, moi, je veux continuer l'histoire. Et il a continué l'histoire. On allait de plus en plus vers des extravagances. Ça n'avait plus rien à voir. Je ne sais pas où on en était, ça, j'ai oublié. Mais je sais que ça n'avait rien à voir avec ce que l'Institut avait lu, avec rien, ce que Popo avait brodé, ce que moi, j'avais arrangé. Et Popo, lui, il en était à autre chose, c'en était un qui n'avait pas de pied. Et puis au moment où il devait arriver à la fin de son histoire, en tous les cas, il en avait marre, on voyait bien qu'il en avait marre. C'est l'instit qui a dit « Qui est-ce qui veut continuer l'histoire ?» Il y en a un qui s'est levé, qui a dit « Moi, monsieur, il s'est mis à parler d'un type, d'un gosse qui n'avait pas de tête. » Et personne ne riait dans la salle. Et moi, j'étais honteux. Pour tout le monde, pour moi, pour les autres. Et c'était sans fin, je me disais, il faut que l'instituteur, il arrête, parce que et tout à l'heure, ça va être pas possible, enfin. Non, il n'a pas arrêté. Il a laissé vider tout. Il y en a qui, de leur place, a duré 10 secondes, 20 secondes. Alors, il parlait de quelqu'un qui avait une tête, des mains, des pieds, c'était très bien. Mais il n'avait pas d'oreille, il n'avait pas de langue. Alors, il s'est mis à imiter celui qui ne peut pas parler quand il n'a pas de langue. Alors, mais ça aurait dû nous faire rire. Nous faire rire et nous gêner, mais nous faire rigoler. Rien. La salle, la morgue, Puis il y en a un autre qui a pris. Tout. À la fin, ça a été quelqu'un qui avait été écrasé, qui continuait à s'agiter par terre. Heureusement, c'était 4h30, le maître a dit. Ben, ça y est, c'était très très bien. Maintenant, ben, ceux qui vont à l'étude, ils ne descendent pas, ils restent dans la salle. Mais ceux qui ne sont pas en étude, ils rentrent chez eux. Vous sortez tout doucement sans faire de bruit. Puis il a regardé Popo. Et Popo, il a dit, moi je reste à l'étude, monsieur. Il a fait signe d'accord. Les gosses sont partis. Celui qui était de l'étude, c'était pas l'instituteur, c'en était un autre qui faisait les études. Il savait pas que Popo, mais les études, c'était rien du tout. On foutait rien pendant les études. On se copiait. Il y en avait un qui faisait le devoir, on le recopiait, puis voilà. Et Popo, ben, il n'a rien recopié. Mais quand on est sorti, il était 5h30. On est ressorti, il faisait noir. On s'est quand même mis autour de Popo, puis on lui a parlé, on lui a dit... Attention, c'était le premier jour, mais demain, il faut que tu viennes avec ton cartable, hein, parce que tu peux pas. On voulait l'aider. Et Popo, bon, il n'a pas répondu ni oui ni non. Il les regardait, il avait toujours, tout le temps que j'ai connu Popo, il avait un regard un peu insolent. Mais son regard insolent, moi, me gênait, me faisait honte. On pourra me dire, toi, t'as toujours eu honte. Je dirais, oui, c'est vrai, j'ai souvent eu ce sentiment-là. Mais avec Popo, c'était le maximum jamais atteint jusqu'ici. Voilà, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de fin. C'est comme ça.